Je ne suis plus qu'un animal. Moi qui t'ai donné mon âme. Elle ne sait plus où se cacher. Aux yeux de tous, quelle drame. Je couvert les ailes de nos âmes merveilleuses. Tout ce qui reste n'est plus que des sentiments merveilleux. Sans mer au futur inconnu, je voudrais quitter ce pays où notre amour est crucifié et revenir seulement si.